Avoir raison avec Jean Kelevitch. Après le courage hier, aujourd'hui le pardon. Ou que faire de l'impossibilité de pardonner ? Avec Joël Ancel, qui dirige le centre Raïssa Emmanuel Levinas à Jérusalem, et qui est l'auteur de Vladimir Jankélévitch, Une philosophie du charme, aux éditions Manutius, et Laure Barillas, doctorante en troisième année à l'École normale supérieure, et qui a participé à la présentation d'un texte de Jankélévitch qui vient de paraître aux éditions Flammarion, L'aventure, l'ennui, le sérieux. On fait la paix pour que l'ère des hostilités soit terminée et que commence l'ère de la réconciliation. Bonjour Joël Ancel. Bonjour Adèle Vanrette. Bonjour Laure Barillas. Bonjour Adèle Vanrette. Bienvenue à toutes les deux pour cette émission. Alors Vladimir Jankélévitch est né en 1903, mort en 1985. Il est l'héritier de Bergson et comme nous, il pense la vie comme un devenir sans cesse changeant, jamais saisissable. Mais s'il qualifie l'existence de « mélodie éphémère », c'est sa formule, s'il célèbre la musique comme seule voie d'accès au temps qui passe, s'il pense le choc de la rencontre amoureuse, en clair, si l'esthétique est si importante pour lui, c'est aussi, et peut-être avant tout, un philosophe de la morale. C'est l'auteur d'un traité des vertus et dans ce traité des vertus, on trouve notamment, c'est pas le seul texte où il en parle, mais quand même, une réflexion sur le pardon qui est pour lui une vertu cardinale, Joël Ancel. Oui, tout à fait, ça fait partie des vertus dont il traite dès le traité des vertus, donc 1949. Et donc c'est une constante dans son œuvre, puisque c'est le premier, enfin vraiment, il y a eu des énoncés avant-guerre, bien sûr, du problème moral, mais c'est une somme d'un millier de pages. Mais cette question du pardon a toujours été pensée, puisqu'elle va faire l'objet d'un tout un développement dans le traité des vertus, à l'ombre de la guerre, à l'ombre de l'Holocauste. Il y a vraiment deux périodes dans la vie de Jankélévitch, pour commencer, et deux périodes dans son œuvre. On parle des fois des cris de jeunesse, et puis des cris de maturité. Mais c'est la guerre, c'est l'Holocauste, c'est ce qu'on appelle la Shoah. À l'époque, Jankélévitch ne disait pas la Shoah. Il disait l'Holocauste, il disait l'extermination. C'est cela qui va orienter sa réflexion sur le pardon. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de séparation entre celui qui a vécu, celui qui a été témoin. Il n'a pas été déporté, mais il a vu les déportations, il a subi les mesures anti-juives du gouvernement de Vichy. Qu'ils l'ont révoqué de ses fonctions d'enseignant à deux reprises. Oui, c'est la première fois qu'il a été suspendu parce qu'il n'était pas français à titre originaire en 1940. Parce que ses parents étaient russes, ça c'était la raison. Et il a été blessé assez grièvement en fait au front. Alors on l'a rétabli dans ses fonctions de professeur, il avait déjà un poste. Mais en décembre 1940, on le suspend parce qu'il est juif, parce qu'il a trois grands-parents juifs. Et donc il tombe sous le coup du statut des juifs que le gouvernement de Vichy a décrété en octobre 1940. Et là, pour ainsi dire, c'est un peu sa judéité qui lui tombe dessus. Parce qu'il dit bien, avant ça, il savait bien qu'il était d'origine juive, mais ça ne comptait pas tellement dans son parcours, dans sa vie. Et puis il se retrouve comme bien des juifs avec cette sorte de... Il décrit ça comme une fatalité qui lui tombe dessus. Et à partir de là, il dit, cela a coupé ma vie en deux. C'est un traumatisme, c'est une rupture qu'il vit très tôt en réalité, qu'il vit très tôt et qui va orienter sa réflexion morale. Et c'est pourquoi je pense, même s'il ne parle pas toujours, bien sûr, de l'extermination des Juifs dans le traité des vertus, mais on trouve toujours des touches, on trouve toujours quelque chose dans toutes ces œuvres qui sont considérées comme proprement philosophiques, où on ne doit pas se livrer à quelque chose, l'expression d'un sentiment soi-disant subjectif. Laure Barillas, vous travaillez, donc faites votre thèse sur Vladimir Jankélévitch, qui s'appelle « Temps et morale » chez Jankélévitch, Sartre et Naber, n'est-ce pas? Et quand vous travaillez sur ce sujet-là, mais sur l'œuvre de Jankélévitch, on fait sans cesse, non, le constat justement de cette impossibilité de séparer l'exigence de pensée, qui est très forte chez Jankélévitch, à la mesure de son exigence morale, c'est quelqu'un qui est vraiment très exigeant au niveau de la morale, et en même temps, le fait d'être sans cesse rattrapé et de devoir incarner dans l'expérience ce qu'il écrit par ailleurs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit de manière assez magistrale, hein, en se concentrant sur ce problème du pardon, puisque même s'il est présent dès le traité des vertus, en fait, c'est un thème qui s'amplifie, en fait, qui vraiment a une place qui est certes importante dans le traité des vertus, mais qui, ne, par exemple, ne bénéficie pas d'un chapitre en tant que tel, à part entière. À la différence de l'amour ou d'autres courage, voilà, exactement, en fait. C'est quelque chose, c'est même intégré, en fait, dans tout un développement sur la charité, le don et l'amour. Même, il parle de ces quatre formes, en fait, la charité, le don, l'amour et la création. Comme étant effectivement quatre formes d'une innocence, et le pardon prend sa place dans cette théorie. Et en fait, ce qui se produit et qui est vraiment, vraiment très frappant, je trouve que c'est un point d'entrée dans son œuvre qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une amplification de ce thème. Donc à partir du traité des vertus, ensuite il va donner un cours en Sorbonne en 1962 sur ce thème. Donc il va consacrer vraiment l'intégralité d'un semestre à étudier ce problème, qui va ensuite être repris dans une communication au cinquième colloque intellectuel juif l'année suivante, et qui va ensuite effectivement faire l'objet de la parution du pardon, effectivement, et qui donc là est vraiment un ouvrage philosophique où le pardon prend toute son ampleur, où il va l'insérer dans une réflexion sur des phénomènes qui ressemblent au pardon mais qui n'en sont pas, et donc il va vraiment dire quelle est la singularité du pardon. Alors comme quoi par exemple, quels sont les phénomènes qui ressemblent au pardon mais qui ne sont pas le pardon? Les phénomènes qui ressemblent au pardon mais qui n'en sont pas, il y a d'abord l'usure temporelle, ce qu'il appelle, voilà, quand on pardonne à la longue, c'est-à-dire quand le temps a fait son œuvre, et là, bon, aussi, évidemment, c'est la filiation bergsonienne, hein, qui s'exprime, mais quand le temps a fait son œuvre, en fait, le temps, finalement, apaise toutes les blessures, et donc, quand on oublie, finalement, l'offense qui a été faite à cause du temps, c'est tout sauf un pardon. Il y a aussi l'excuse, qui n'est pas une forme de pardon, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le pardon, dans la mesure où l'excuse, c'est un processus rationnel qui s'inscrit également dans la durée. On va remonter les causes, on va essayer de déterminer ce qui a produit le mal, ce qui a été à l'origine de l'acte qui a offensé. Et à partir du moment où on cherche des raisons, en fait, on n'est déjà plus dans le pardon. Parce que la définition que Jean Kielevitch va donner du pardon, c'est en fait une volonté, une manifestation pure et radicale de la volonté, et dans l'instant. C'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas dans la durée et qui va décider de pardonner absolument sans raison, de manière absolument gratuite. Le pardon est extrêmement exigeant, le pardon est même scandaleux. Et ce qu'il y a de très intéressant chez Jean Kielevitch, Joël Ancel, c'est que bien que juif, c'est dans la religion chrétienne qu'il va puiser ses concepts les plus importants, celui de charité et celui de pardon. Écoutez comment il en parle, c'était sur France Culture en 1978. Le pardon, dirais-je presque cynique, le pardon scandaleux, n'est-ce pas? Le pardon, non sans pas raison. Malgré l'injure, mais à cause de l'injure, parce que vous êtes un criminel. Eh bien, c'est le paradoxe chrétien. Moi, personnellement, j'ai pas été élevé dans cette religion-là, et pourtant, je comprends, j'apprécie, j'entre parfaitement dans ce paradoxe, dans ce scandale, comme disait Kierkegaard, ce paradoxe pascalien également, du pardon à cause de l'offense, et non pas malgré elle. À cause du crime, et non pas malgré... Si c'est malgré le crime, il y a une réticence. Je vous pardonne dès que vous soyez un criminel et un sauvage. C'est bien, c'est mieux que de me couper la tête. Mais si c'est malgré, il y a une réticence, il y a une arrière-pensée. Je suis un criminel, vous ne m'avez pas entièrement pardonné. Alors le chrétien pardonne parce que vous êtes criminel, parce que vous n'êtes qu'un pauvre homme. Parce que nous sommes tous des pauvres hommes, des pauvres gens, n'est-ce pas, qui sont dignes de pitié. Ça, c'est très fort, hein. Le vrai pardon est celui qui pardonne à cause du crime et non pas malgré le crime, Joël Ancel. Oui, tout à fait. C'est le seul pardon qu'on peut donner au bourreau, en fait, hein, puisque c'est un pardon qui est gracieux, un pardon gratuit, comme il dit, gracieux, indépendant totalement du fait que le criminel puisse exprimer un quelconque regret, un quelconque remords et un quelconque un regret d'avoir agi. Une contrition, qu'il ait demandé pardon, surtout. Hein. Donc, c'est une pure générosité, comme disait Laure Barrias, hein, c'est la charité, c'est la pure générosité. Et c'est vrai que le modèle, c'est le pardon chrétien. Alors, bon, Jean Kielevitch, ce dont il faut tenir compte, quand même, quand on parle de lui, c'est qu'il déthéologise. Et surtout, en fait, c'est vrai qu'il dit, avant-guerre, j'aimais beaucoup les pères de l'Église, hein, les sources de sa pensée. Beaucoup plus que les sources juives qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas l'hébreu, eh bien c'était les pères de l'Église, c'est les mystiques chrétiens, c'est et les évangiles, hein, de toute manière. Et donc, si vous voulez, il y avait quand même, je dirais, une sorte d'attirance, enfin peut-être pas une attirance, mais c'est quand même un idéal moral. Bon, pouvoir pardonner, mais alors sans ressentir la moindre dose, il dit une dose infinitésimale de ressentiment. parce que là, ça devient un pardon impur. Hein, alors il dit, il est bien clair que jamais un tel pardon n'a existé dans le monde. Peut-être que ça doit rester comme idéal moral, mais je voudrais juste me référer à la première page du traité sur le pardon, hein, où il parle justement de ce pardon. Il dit ceci, « Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le devoir de pardonner est devenu aujourd'hui notre problème. » Aujourd'hui, c'est-à-dire en face des crimes nazis, des crimes de cette nouvelle catégorie de crimes, crimes contre l'humanité, que lui va comprendre de manière morale, et le problème de l'imprescriptible qui va se poser. On y reviendra, voilà. N'allons et pas donc, trop vite. Et alors là, il se demande, hein, tout à fait, il se demande, il se pourrait bien qu'il y ait de l'impardonnable. Et donc, si vous voulez, il y a toujours, c'est pour ça qu'il ne faut pas, bon, peut-être que voilà, les chrétiens le ressentiront plus comme étant influencés par le christianisme, peut-être que les juifs par certains côtés aussi, par d'autres côtés, mais je pense qu'il y a, et il le dit lui-même, il y a une sorte d'oscillation, de déchirement, en fait, entre, c'est un philosophe de la morale, il cherche l'idéal moral, il cherche une certaine pureté de la conscience, et puis d'un autre côté, il se pourrait bien qu'il y ait de l'impardonnable. Alors, puisque vous avez prononcé le terme, c'est en effet le deuxième aspect de sa réflexion sur le pardon. On l'a vu que le pardon a toujours quelque chose d'assez scandaleux et en même temps d'une générosité infinie. On pardonne pour le crime commis, on pardonne au criminel parce qu'il a commis un crime, non pas malgré ce crime, ce qui est déjà d'une forme d'exigence très très difficile à tenir, peut-être même impossible à tenir. On voit qu'on est quasiment d'une morale kantienne ici, d'idéal. Et en même temps, Laure Barrias, comme on le disait en début de cette émission, il ne peut pas réfléchir sur le pardon indépendamment du contexte historique dans lequel il vit, indépendamment de ce qu'il a vécu. Donc il est entré en résistance, il a vu des gens partir à Auschwitz. Et ça, dit-il de son propre aveu, il ne peut pas le pardonner. Oui, oui, oui, absolument. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, en fait. C'est que les différents textes sur le courage n'oublient jamais cette dimension-là, cette dimension de la mémoire, de l'histoire qu'il a vécue, que ses amis ont vécu, que l'humanité a vécu. Et donc, la série des textes qu'il a écrits sur cette question, en fait, rend de manière de plus en plus dramatique, de plus en plus présente, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire que le pardon, le traité, le pardon est vraiment un traité philosophique, c'est comme ça qu'il le présente, qui s'attache évidemment à ce qui s'est produit dans l'histoire, mais qui réfléchit au pardon, ce qu'il appelle le pardon métempirique, c'est-à-dire le pardon qui est au-delà de l'empirie, c'est-à-dire de ce qu'on peut percevoir dans l'expérience. Et donc, effectivement, dans le pardon, l'enjeu est différent. Il peut y avoir de l'impardonnable, mais l'enjeu est vraiment de déterminer ce qu'est le pardon métempirique, pas simplement ces occurrences empiriques. Parce que, effectivement, Jean Kilvitch dit que le pardon est une occasion du quotidien, en fait. C'est le sublime au quotidien. C'est cette occasion qui est toujours à la portée. Mais comme toutes les vertus, d'ailleurs, on parlait du courage hier, c'est tout pareil fait, aussi. Absolument. C'est savoir saisir l'occasion qui se présente absolument à nous. Ce n'est pas une idée. Absolument, exactement, tout à fait. C'est ça qui est très, très fort dans sa pensée. C'est qu'il y a une effectivité absolument magistrale de sa pensée qui est vraiment qui transforme le lecteur qui parcourt ses traités. Sauf que là, même la pensée de l'occasion paraît bien impuissante à valider la pensée qu'il proposait du pardon, tellement la réalité dépasse tout ce qu'il pouvait entrevoir. On va encore entendre la voix de Jean Kilvitch, parce que là, c'est assez bouleversant de voir comment, alors qu'il valorise autant le pardon et qu'il en fait une vertu cardinale, eh bien, il constate de son propre aveu qu'il ne peut pas pardonner. Il est face à un paradoxe avec lequel il doit bien composer. Écoutez, c'était toujours sur France Culture en 1978. Moi, je crois que le pardon est un acte absurde, irrationnel, même scandaleux. Et pourtant, il est sublime. C'est le seul qui soit sublime. C'est le seul qui soit durable, fondateur. Un pardon en dépit de l'absurde. Ouais. Par conséquent, un pardon de toute son âme, avec toute son âme, comme dit l'Évangile, avec le cœur tout entier. Non pas avec une petite partie du cœur, avec un ventricule ou avec une oreillette, mais avec tout le cœur, et finalement avec la vie tout entière. Si vous n'avez pas pardonné avec la vie tout entière, vous n'avez pas pardonné. Ouais, en parlant comme ça me coûte beaucoup de le dire. Ça me coûte parce que il y a des forfaits que moi je n'ai jamais pardonné, que je ne peux pas pardonner. Vous devinez peut-être ce que sont ces forfaits. Les crimes allemands pendant la guerre, je les crois vraiment, littéralement impardonnables. Et si on voulait me demander de pardonner au docteur Mengele, on me demanderait un effort surhumain que je suis incapable de faire. Donc il y a ici une contradiction en moi. Je la professe, je l'avoue. Et il faut beaucoup de courage pour reconnaître sa contradiction, cette contradiction en lui-même, Joël Ancel, quand on construit sa vie autour de son œuvre philosophique, qu'on reconnaît, qu'on admet qu'en fait, on est en contradiction avec ce qu'on écrit. Oui, c'est vrai, mais dans la préface, je pense, c'est l'avertissement à l'imprescriptible. Il parle d'une contradiction apparente entre les deux traités. Hein. Il dit, voilà, d'un côté, il le dit ailleurs aussi, on pourrait dire, il y a un traité philosophique et un pamphlet. Hein. Le traité philosophique, c'est le pardon. Le pamphlet, c'est l'imprescriptible où il parle spécifiquement des crimes nazis. Et puis, c'est une contradiction apparente. Donc ça donne à penser. Hein. Il se pourrait bien que la contradiction ne soit qu'apparente. Alors maintenant, j'ai parlé de cette dimension de déchirement, d'oscillation. Alors maintenant, il y a deux choses qu'il est important de dire. Hein. C'est que on voit cette oscillation dans le traité sur le pardon, hein, on l'aperçoit très bien. Et puis dans la prescriptive, il y a cette magnifique cette expression et non, hein, et non. Là, ça ne marche pas parce et que non le... quoi, je ne peux pas pardonner. Et non, c'est-à-dire qu'on nous demande de pardonner gracieusement sans qu'il y ait demande de pardon. Ah oui. Et là, je réponds non. Et non, je réponds non. Et chez Jean Kelevitch, il y a toujours, si vous voulez, cette tension entre l'oscillation, hein, la conscience qui est renvoyée d'un extrême à l'autre, et puis ce qui est tout à fait moral, d'ailleurs, le geste moral qui consiste à dire non, il faut trancher. Hein, quand il s'agit des crimes nazis, il faut trancher. Alors maintenant, c'est très important pour moi de parler de cette impossibilité. Hein, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est une impuissance de sa part, mais il y en a d'autres, d'ailleurs c'est vrai, hein, qui pourraient pardonner. Il y a une imperfection de notre nature de manière générale. Nous sommes incapables d'un pardon sans ressentiment, enfin sans qu'il en subsiste quelque chose. Et là, il y a quelque chose dans le crime lui-même. Hein, il y a quelque chose dans le crime lui-même qui fait qu'on ne peut pas pardonner. Et là, Jean Kelevitch l'a perçu très tôt, hein, puisque l'imprescriptible, eh bien, c'est un recueil de textes. Enfin, l'imprescriptible lui-même, c'est un article qu'il a publié dans Le Monde, qui porte ce titre au moment où il était question de la prescription des crimes nazis qui n'ont pas été prescrits. Ça devait être voté à l'Assemblée nationale. Mais hein. Il a contribué d'ailleurs, hein, au il fait a de contribué à l'imprescriptibilité des crimes nazis. Absolument. Son texte a eu beaucoup de ressentiment, mais il y a ce texte. De retentissement, pas de ressentiment. Son oui, texte a eu beaucoup de retentissement. Quel bon lapsus. nous en faisons des lapsus parfois. Hein. Ce qui est remarquable, hein, dans le recueil écrit de Résistance que François Schwab a magnifiquement édité, des textes inédits, il y a ce magnifique texte de 1943, Psychoanalyse de l'antisémitisme, où il dit cette question juive a été fabriquée par les fascistes. Hein. C'est une question juive qui n'existe pas, qui est un prétexte pour exterminer les juifs en réalité. Il dit des nazis que ce sont des hommes par hasard. Oui, absolument. Ouais. Mais alors dans ce texte de 1943, il dit pourquoi il y a quelque chose dans ce crime qui fait qu'on ne peut pas pardonner, hein, même si on le voulait, etc. Et il avait compris ça. Il savait pas encore que Auschwitz, enfin, que ce qu'il s'agissait de camps d'extermination, il parle des bagnes silésiens, mais il avait vu les juifs arrêtés, les mères séparées des enfants, etc. Et il dit ceci. Pour la première fois peut-être, des hommes sont traqués officiellement, en vertu des statuts des juifs, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ils expient leur être et non leur avoir, non pas des actes, une opinion politique ou une profession de foi comme les cathares, les francs-maçons et les nihilistes, mais la fatalité d'une naissance. Et là, il s'agit... Et la fin du texte, je lis quand même un peu plus loin, parce que ce texte est absolument bouleversant. Hein. Des absolument. Bancs peints en jaune et les jardins publics interdits aux enfants. Absolument. Et l'étoile, il fallait y penser. Oui. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Et la fatalité d'une naissance, c'est bien le fait qu'on ne peut pas. C'est la singularité de l'antisémitisme hitlérien. C'est-à-dire que les Juifs ne peuvent pas échapper par la conversion, alors que avant, bien sûr, il y a eu des pogroms et des choses épouvantables tout au long de l'histoire de l'Europe, mais on pouvait se convertir. Hein, on pouvait échapper à cette fatalité, et là, puisque l'antisémitisme est de nature biologique, c'est racial. Oui, c'est ça. Essentialise l'antisémitisme. Voilà. Pense que c'est quelque chose de biologique, donc de racial. La conversion n'a rien à voir. Dans le sang, dans les gènes, on ne peut pas y échapper. Mais est-ce qu'il ne faut pas distinguer, peut-être pour comprendre ce paradoxe, Laure Barrias, le pardon, sa réflexion sur le pardon, et la question même de pardonner. C'est son texte, un pardonner. Point d'interrogation. Et il dit pourquoi est-ce que je ne peux pas pardonner? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas demandé pardon. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas pardonner. Et d'ailleurs, le passage du substantif « le pardon » à « pardonner », à l'effectivité, à l'action, est effectivement très importante. En fait, si on ne peut pas pardonner, c'est certes parce qu'ils n'ont pas demandé pardon, et c'est vraiment la première condition du pardon qui n'est pas remplie. Mais il y a aussi autre chose, et c'est en ça que c'est des conditions qu'il avait déjà énoncées dans son traité philosophique « le pardon », c'est que pour pardonner, il faut certes qu'il y ait eu une demande de pardon, mais il faut également, en fait, que le pardon... que ce soit l'offensé qui puisse pardonner directement à l'offenseur. Or là, ceux qui ont été offensés également, c'est ceux qui ont disparu, qui ne peuvent pas exactement pardonner ou entendre un pardon. Voilà, et c'est ça en fait. Il y a trois conditions fondamentales du pardon qui ne sont pas remplies. Il faut que le pardon pour Jean Kelevich soit un événement, c'est-à-dire qu'il dans l'instant. Il faut que ce soit une relation personnelle d'un individu à un autre. Donc le pardon d'une collectivité, d'une nation à une autre n'est pas possible. À un groupe n'est pas possible. Donc c'est aussi ça derrière. C'est que certes, il y a un crime métaphysique. Hein, c'est vraiment comme ça. Le crime contre l'humanité, c'est un crime métaphysique, c'est comme ça que le dit Jean Kelevich hein, dans l'imprescriptible. Effectivement, ce qui ne diminue pas l'ampleur du crime physique pour le coup. Hein, non, parce que... pas du tout, absolument. C'est métaphysique dans le sens où ce ne sont pas les actes, les croyances, c'est l'être. C'est une attaque, c'est une tentative de nihiliser en fait l'être. Et l'hominité, en fait, c'est comme ça qu'il le dit. Ouais, c'est ça qui est très important, en fait. C'est que le pardon n'est pas possible parce que c'est un crime qui est effectivement, qui s'adresse à quelque chose qui est au-delà, qui est l'être. Et également parce que l'individu ne peut pas pardonner à une collectivité, inversement. Le pardon, écrit-il dans l'imprescriptible, mais nous ont-ils jamais demandé pardon? C'est la détresse et c'est la déréliction du coupable qui seule donnerait un sens et une raison d'être au pardon. Quand le coupable est gras, bien nourri, prospère, enrichi par le miracle économique, le pardon est une sinistre plaisanterie. Non, le pardon n'est pas fait pour les porcs et pour leurs truies. Le pardon est mort dans les camps de la mort. Notre horreur pour ce que l'entendement à proprement parler ne peut concevoir étoufferait la pitié dès sa naissance. Si l'accusé pouvait nous faire pitié. L'accusé ne peut jouer sur les deux tableaux à la fois, reprocher aux victimes leur ressentiment, revendiquer pour soi-même le patriotisme, les bonnes intentions, prétendre au pardon. Il faudrait choisir. Et le texte continue, Joël Ancel, est d'une violence inouïe. On peut faire l'objection à Jean Kelevich, d'ailleurs lui-même le reconnaissait, que... Alors, dans ce texte, il ne cite pas précisément, mais dans beaucoup d'archives, on l'entend lui dire, il parle des Allemands et non pas des nazis. Peut-être que la difficulté à pardonner vient de là aussi. Il refuse d'écouter de la musique allemande quand même. Bah, là, il y a quelque chose de très important, parce qu'une manière d'excuser les Allemands, hein, c'est de dire c'était des nazis, des hitlériens, donc c'est juste, ils ont été manipulés par leurs dirigeants. Et alors là, Jean Kelevich dit, et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire, Jasper le dit, Jasper qui est allemand. Hein, quand même, Karl Jasper, même s'il a dû fuir un grand philosophe existentialiste, même s'il a dû fuir en Suisse parce que sa femme était juive, hein, donc lui n'a rien fait en réalité, il a été plutôt, on va dire, presque victime, eh bien, il parle de la culpabilité allemande comme la culpabilité d'un peuple, hein. Et donc, ça c'est très important. Maintenant, pardonner, hein, le terme pardonner, c'est vrai, vous avez raison, le pardon pardonné, c'est avec un point d'interrogation. C'est ça. Hein, 1971, c'est un texte qui est inclus dans le recueil L'imprescriptible. Alors maintenant, sur la demande de pardon, ça, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, puisqu'effectivement, dans le traité philosophique, c'est une des conditions. Hein. Il faut qu'il y ait une relation interpersonnelle, donc là, c'est une relation à une collectivité, évidemment, et il faut qu'il y ait demande explicite de pardon de l'offenseur envers l'offensé. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que Jean Kelevich a aussi développé cette idée lors du colloque des intellectuels juifs de langue française, qui se tenait tous les ans depuis 1957, et où il avait l'occasion de rencontrer Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui d'ailleurs, ils étaient amis. Et donc, au cours de ce colloque, Emmanuel Lévinas commente un texte talmudique où on dit que le jour de Kippour, donc qui est le jour dans le calendrier juif, qui est le jour du pardon, hein, eh bien, les crimes commis envers autrui ne sont pas pardonnés automatiquement, sauf les crimes commis les fautes, on va dire, commises envers Dieu sont pardonnées, mais il faut une demande explicite de pardon. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que si vous voulez, il y a la demande de pardon, mais l'offensé peut refuser. Alors on dit jusqu'à trois fois, mais il y a un texte, le commentaire talmudique dit, il arrivait un cas où un grand intellectuel juif, un sage du Talmud, n'a pas été pardonné du tout. Et alors là, Jean Kelevich dit, on ne peut pas pardonner à Heidegger. Parce que pour qu'on puisse pardonner, c'est une condition d'ailleurs au peuple, pour les Allemands, en tant qu'individus, déjà, il faudrait qu'ils aient une pleine conscience du crime, qu'ils montrent qu'ils en ont une pleine conscience. Hein. Mais un intellectuel, lui, a une pleine conscience. Il doit avoir une pleine conscience, c'est son rôle. Hein. Donc on ne peut pas être intellectuel et s'engager aux côtés du nazisme et ensuite demander pardon. C'est impardonnable. Non, si on s'engage aux côtés du nazisme, ça, tout à fait. Hein. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. parce que c'est vrai qu'on cite toujours cette radicalité, mais quand Jean Kelevitch il parle de Beat Klarsfeld, par exemple, hein, il y a un chapitre dans les mémoires de Serge et Beat Klarsfeld qui s'appelle « Les chevaliers de la mémoire », et c'est inspiré d'une lettre que Jean Kelevitch leur a envoyée. Hein. Donc là, c'est totalement différent. L'admirable Beat Klarsfeld, le geste du chancelier Willy Brandt, qui était lui-même un résistant qui a dû s'enfuir, hein, qui a souffert du nazisme, et qui va s'agenouiller devant le monument aux morts des ghettos du ghetto de Varsovie, qui a été tué pendant la révolte du ghetto de Varsovie, et qui, alors que c'était pas prévu par le protocole, s'agenouille et demande pardon. Il y a des gestes individuels. Mais il faut quand même préciser, Joël Ancel et Laure Barrias, que s'il y a une impossibilité physique et factuelle de pardonner, c'est aussi pour Jean Kelevitch une décision libre. C'est un acte moral de refuser de pardonner. C'est pas simplement une impossibilité. Tout à fait. Oui, absolument. Oui, Laure Barrias. D'ailleurs, il le dit en fait dans l'imprescriptible. Chacun est libre de pardonner ce qu'on lui a fait. Il en va de la liberté individuelle. Lui, c'est une position morale. C'est un acte moral très fort qui rejoint en fait toute l'éthique qu'il appelle l'éthique hyperbolique qu'il a construite. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Joël Ancel. Effectivement, il y a aussi cette question de la volonté diabolique qu'il mentionne. C'est aussi parce que c'est une volonté du mal qui est diabolique, hein, qui est aussi un terme qu'il reprend à Kant, qu'on retrouve en fait dans cette expression à la fois ironique, hein, il fallait y penser. Il reprend cette expression sur l'étoile jaune, ouais, il fallait y penser. Et également sur le faire des savons avec la peau juive, faire des abat-jours, il le mentionne. Et qu'il soit ironique à ce moment-là, oui. C'est très perturbant d'ailleurs. Alors c'est perturbant et en même temps c'est une constante dans son œuvre en fait. Bon, il a écrit un traité de l'ironie, mais qui est aussi une méthode philosophique à part entière, c'est-à-dire que pour rendre compte du scandale moral, finalement, l'ironie est une arme absolument époustouflante. Et tout le texte, l'imprescriptible, est d'une ironie extrêmement douloureuse, en fait. C'est vraiment la douleur de l'ironie. Joël Ancel, sur ce choix moral qui est le refus de pardonner. Oui, je voulais juste revenir sur l'usure du temps. Hein, donc, parce que c'est ce dont on parlait au début, c'est-à-dire ce que n'est pas le pardon, l'usure du temps n'est pas... Oui, c'est un pseudo-pardon, dit-il, un simili-pardon, un faux-pardon. On nous demande... alors là, c'est très important, parce que ça, c'est vraiment le lien entre le traité philosophique sur le pardon et l'imprescriptible. C'est que... parce que quand même, dans l'imprescriptible, la spécificité, c'est qu'il a affaire à un concept juridique, hein, la prescription. Et qu'est-ce qu'on invoque pour la prescription ? Eh bien, c'est l'usure du temps, précisément. Hein, au bout de 20 ans, donc en 1965, le crime serait pardonnable tout à coup, comme il dit avec beaucoup d'ironie. À telle date, à minuit, le crime deviendrait pardonnable, alors qu'à minuit moins une, il ne le serait pas encore. Hein. Et donc, c'est cet argument de l'usure du temps. Puis aussi, on lui dit, écoutez, le temps a passé, vous êtes l'homme du ressentiment, etc. Et voilà, et donc l'usure du temps, il le dit, ce simili-pardon, et qui est invoqué pour fixer cette norme juridique de la prescription. Hein, c'est le même, en fait, c'est la même considération d'un point de vue juridique et d'un point de vue moral. Mais la raison pour laquelle Jean Kelevitch, bien sûr, s'oppose à la prescription, c'est d'ordre moral. Parce qu'en fait, dès qu'on est dans l'ordre de la morale, on n'est plus dans l'ordre du fait, comme il dit. On est dans l'ordre de la valeur. Hein. Et donc là, c'est un ordre totalement différent. Et la valeur, c'est aussi une question de volonté, de conscience. Hein, c'est pas le fait qui s'impose à nous. Voilà, le temps, c'est l'érosion, c'est le passage, on le subit tous d'ailleurs, malheureusement, avec le vieillissement, etc. Hein, c'est pas l'érosion des montagnes. Hein, on a affaire à l'humanité ou l'hominité de l'homme. Merci beaucoup Joël Ancel et Laure Barrias d'être venus nous parler du pardon chez Jean Kelevitch aujourd'hui. Joël Ancel, je rappelle que vous dirigez le centre Raïssa Emmanuel Levinas à Jérusalem, que vous êtes l'auteur de Vladimir Jean Kelevitch, une philosophie du charme aux éditions Manutius, et que vous avez participé au collectif sous la direction de Flora Bastiani qui s'appelle Bergson Jean Kelevitch Levinas, toujours aux éditions Manutius. Et quant à vous Laure Barrias, vous êtes doctorante en troisième année à l'École Normale Supérieure, vous faites une thèse sur Jean Kelevitch, un temps et moral sur Jean Kelevitch, Sartre et Niebuhr, et vous avez participé à la présentation d'un texte de Jean Kelevitch qui vient de paraître aux éditions Flammarion, L'aventure, l'ennui et le sérieux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était Avoir raison avec Jean Kelevitch. Aujourd'hui, le pardon. On se retrouve demain pour le troisième temps. la musique. Merci à Nicolas Berger, Bernard Laniel, Marie Aubert.